بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد donc chers frères et sœurs en islam, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue toujours avec les héritiers des prophètes et le concept de science dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et à cette étape, inshallah subhanahu wa ta'ala, on va passer à une autre partie qui est extrêmement importante, de ce séminaire. Et que moi, personnellement, je trouve comme étant la partie la plus intéressante. Ça veut dire le troisième ainsi que le quatrième chapitre. Le troisième et le quatrième chapitre, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on va commencer à parler maintenant de choses qui vous touchent directement en tant que personne. Ça veut dire même dans votre vie de tous les jours. Ça veut dire on ne va pas juste en apprendre sur l'ilm. On va apprendre du ilm, ça veut dire des choses qui sont reliées à nous, à notre pratique en tant que musulmans, en tant que croyants qui voulons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et vous allez voir que ça va être très riche en termes d'informations qui nous viennent de... Il y a un mot que vous avez probablement déjà entendu parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un mot comme ça? Et je vous le dis à l'avance, ça n'a rien à voir avec notre séminaire, ok? C'est pas notre sujet. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot salafi? Salafi, qu'est-ce que ça veut dire salafi? Vous avez probablement entendu parler mille et une interprétations. Vous voyez, donc ça c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Ça peut référer à une pensée, à une méthode de déduction, de compréhension. Ça peut référer à quelque chose de bien, quelque chose de mal, à un groupe de personnes, à un type de personne, à un criminel, à quelqu'un de bien, voyez-vous. Donc, c'est un mot qui est fort utilisé, même dans les médias de nos jours, n'est-ce pas, même par les politiciens, etc., etc., courant salafiste. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas le sujet auquel on touche. La seule raison pour laquelle je l'ai mentionné, c'est que historiquement, tout ça, ça vient d'un mot qui est salaf, ok. Le mot salaf, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Salaf, ça veut dire c'est quelque chose qui est antérieur, ok. Donc, quand on parle en islam de nos salaf, ça veut dire nos prédécesseurs, nos ancêtres, al-ulama, les grands, les pieux du passé, et qui sont, première chose, les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam. Après ça, les tabi'in, qui ont suivi les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, ça veut dire la génération juste après les sahaba, radiyallahu anhum. Et après ça, c'est toutes les personnes qui sont pieuses de la Ummah du prophète, alayhi salatu wasalam, qui se sont distinguées par leur connaissance et leur piété et leur compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala et qui nous servent de modèle jusqu'à aujourd'hui. Comme je dis, je ne suis pas en train de parler ici au mot salafi au sens qui est médiatique, politique, autre chose, ça c'est une autre discussion. Donc on va voir, inshallah ta'ala, de par notre sujet, on va voir c'est qui ces personnes-là, qui sont nos ancêtres, radiyallahu ta'ala anhum. Et vous allez voir l'un des intérêts de cette troisième et quatrième partie de ce séminaire, c'est que vous allez avoir un aperçu sur la grandeur, sur la personnalité des personnes et des individus qui nous ont transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui a porté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis le temps du prophète, alayhi salatu wasalam? On va entendre leurs mots. Ils parlent comment et ils réfléchissent comment ces personnes-là. Et on va commencer avec le troisième chapitre qui porte sur adabul ilm. Ça veut dire l'éthique de la connaissance. Parfois, les savants, ils vont parler de l'éthique du savant, ça veut dire celui qui enseigne la religion, et de l'éthique de l'étudiant, celui qui étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on va résumer tout ça, on va parler de l'éthique du savoir, de la science. Que tu sois un savant ou bien quelqu'un qui est en quête de connaissances et d'apprentissage, il y a une éthique à suivre. La première chose et la première composante et la première condition de notre éthique en tant que personne qui s'intéresse à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien sûr la pureté des intentions. Al-ikhlas, ça veut dire nos intentions doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, avant de commencer à apprendre quelque chose, tu dois toujours te rappeler de l'importance de vérifier ton intention, voyez-vous. C'est pour ça, qui peut nous citer comme ça un hadith sur l'importance des intentions? Oui, mon frère. Innama al-a'malu bin-niyyat, n'est-ce pas, le hadith qu'on connaît tous. Et ça, c'est le premier hadith dans Sahih al-Bukhari que l'imam Bukhari, rahimahullah, il a mis comme ça au début de son Sahih, de son livre Sahih al-Bukhari, malgré qu'il n'a rien à voir avec le premier chapitre. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour nous rappeler l'importance de l'intention. Avant de commencer à lire mon livre qui est Sahih al-Bukhari, corrige ton intention avant ça. Fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne le fais pas pour les gens en quelque sorte. Et bien sûr, nous avons le contraire des intentions qui sont pures, ça veut dire les intentions qui sont corrompues, ou bien ce qu'on appelle ar-riya, l'ostentation. Voyez-vous, le fait de faire les bonnes actions pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de telles actions. On va voir un hadith qui est ici dans Sahih Muslim. Je ne vais pas mentionner tout le hadith est long, ok? Et on a beaucoup de matière en quelque sorte à couvrir, mais vous pouvez le trouver facilement dans ce hadith, le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi. Les premières personnes à connaître, à souffrir des conséquences de leur peine le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est trois personnes. Et il a cité alayhi salatu wassalam la première personne qui était quelqu'un qui est mort dans le combat pour l'islam, pour défendre l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le faire venir et il va le questionner après ça, le mettre en enfer. Pourquoi? C'est parce que cette personne-là n'avait pas donné son âme, n'avait pas risqué sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait risqué pour que les gens disent de lui que lui c'est quelqu'un de courageux. Voyez-vous? La deuxième personne, c'est la même chose. La deuxième personne, ou bien... Est-ce que c'est la deuxième ou la troisième? C'est la troisième personne selon l'ordre qui est dans le hadith. C'est quelqu'un qui a dépensé beaucoup, qui a donné beaucoup d'argent à la mosquée, aux orphelins, à tel, à tel, à tel. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre en enfer le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'il avait dépensé tout ça pour que les gens disent de lui que c'est un généreux. Waqat qil, les gens l'ont dit, alors toi tu ne mérites aucune récompense. Wal'iyadu billah. Ce qui nous intéresse pour ce séminaire, c'est la deuxième personne. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ. Et un homme qui a appris la connaissance, il a appris la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. Il a appris le Coran par cœur. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala va le faire venir. Il va lui dire, voilà ce que je t'ai accordé comme bienfait. Je t'ai donné l'intelligence et la richesse et le temps libre et telle chose et telle chose. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ça? Alors il va dire... قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنِ. Il va dire, ya Allah, voilà ce que j'ai fait. J'ai appris la connaissance, la science. Je l'ai enseigné aux autres. Et j'ai enseigné le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai enseigné aux autres. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire le jour du jugement, قَالَ كَذَبْتَ. Tu es un menteur. وَلَكِنَّكَ. Mais en réalité, ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qil. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, tu es un menteur, c'est parce que je connais tes intentions. Toi, dans ce bas monde, tu as appris la connaissance pour qu'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as appris le Qur'an pour qu'on dise de toi que tu es un qari' du Qur'an al-Karim. Et ça a été dit. Ça veut dire, ce que tu as voulu avoir, tu l'as reçu dans le bas-monde. Tu voulais le bas-monde, tu as reçu ta récompense dans le bas-monde. Les gens ont dit de toi, ils t'ont accordé les titres que toi tu cherchais. Alors il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَلَعِيَادُ بِاللَّهِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner les anges, ils vont le tirer comme ça sur son visage et ils vont le mettre en enfer. C'est parce qu'il n'a pas cherché là connaissance pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça nous rappelle, comme on a parlé, du savant qui connaît l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne craint pas Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc ce hadith en tant que tel, déjà, il nous rappelle le danger de l'ostentation pour ce qui est de la connaissance et du savoir en tant que tel. Et Jabir radiyallahu ta'ala anhu, dans un autre hadith, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, « La ta'allamu al-ilma » N'apprenez pas la science pour l'une des raisons suivantes. Ça veut dire, ça c'est les intentions à ne jamais avoir. Quand tu veux apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici les intentions à éviter. Ce qui ne devrait pas être ta motivation. لِتُبَاهُ بِهِ الْعُلَمَاءِ. Pour te montrer devant les savants. Pour dire, ah, tel savant il va venir, à notre mosquée, il va venir la semaine prochaine, il va parler de... Tafsir mettant de surat al-alaq, n'est-ce pas? Étant dit que tel savant va visiter ta mosquée du quartier, va faire tafsir de surat al-alaq. Toi, tu vas dire, pour que le savant connaisse ma valeur, tu vas aller chez toi, tu vas lire 4 livres, 5 livres d'exégèse. sur tafsir surat al-Alaq. Tu vas bien apprendre tout ça et tu vas venir, tu vas t'asseoir au premier rang, juste devant sa table comme ça. À chaque fois qu'il dit quelque chose, oui, cheikh, c'est telle chose. Oui, c'est cheikh, c'est comme il a dit Ibn Abbas. Ah, cheikh, c'est comme il a dit telle chose, voyez-vous. Alors, ton intention, c'est de te montrer devant les savants pour qu'eux, ils disent, viens t'asseoir avec nous, tu fais partie des savants, tu as la connaissance. Là, le prophète, alayhi il a dit, tu ne fais jamais une chose qui est pareille. Après ça, il a dit, wala litumaru bihi sufaha, et n'apprenez pas la science pour débattre avec les ignorants. Va dire, ah, mes amis, moi, à chaque fois, ils se rencontrent au café devant la mosquée, etc., etc. Ils parlent pendant deux heures, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien d'être salafi? C'est pas bien d'être salafi? Est-ce que lui, il est sur le bon chemin, n'est pas sur le bon chemin, etc.? Moi, je comprends rien de ce qu'ils sont en train de mentionner. Je dois apprendre la même chose que eux pour pouvoir participer au débat. Alors, tu vas aller lire des livres comme ça, n'est-ce pas? Les gens, des innovations, etc. Et ton intention, ce n'est pas de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas d'augmenter ta foi, de devenir une personne qui est meilleure. Ton intention, c'est de pouvoir participer au débat. Il dit, alayhi salatu wasalam, non. Et après ça, il dit, alayhi salatu wasalam, « Wala takhayyaru bihi al-majalis » et ne fais jamais en sorte que ta science aussi, tu l'as fait pour que tu sois en quelque sorte une personne spéciale dans les assemblées. Pour que tu sois invité, etc., etc., pour que toi, parce que tu es un alim, etc. Alors il a dit, alayhi salatu wassalam, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ. Il dit, alayhi salatu wassalam, et celui qui fait une chose pareille, ça veut dire celui qui étudie la science avec l'une des intentions qu'on vient de mentionner, alors ça va être l'enfer, l'enfer. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et si Mis'ar, l'un des ulama, regardez, il te donne, l'un des pieux ancêtres, il a donné. Il essaie de te faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire les bonnes actions pour les gens à la place de les faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux savoir c'est égal à quoi? Écoute ça, il te dit. Man arada al-hadith lin-nas falyajtahid fa inna bala'ahum shadid. Celui qui veut apprendre la science pour les gens, pour plaire aux gens, alors qu'il travaille dur. Parce que satisfaire aux gens, c'est très difficile. C'est jamais assez. Vois-tu? Les gens ne vont jamais être satisfaits de tout. Si tu vas lire 15 livres et tu vas venir, les gens vont dire quand même, mais toi, tu n'as pas lu le 16e. Tu n'es pas qualifié. Tu reviens, tu vas lire plus, tu vas revenir, mais lui, il connaît plus que toi, etc., etc. Vois-tu? Après ça, il dit, وَمَنْ أَرَادَهُ لِنَفْسِهِ فَقَدْ اكْتَفَى. Et celui qui le veut, celui qui va apprendre la science pour soi-même, pour que ça soit bénéfique pour lui, alors il est en paix en quelque sorte, voyez-vous. وَكَانَ شُعْبَةُ حَاضِرًا فَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبْ. Il y a un autre savant qui était présent quand il a parlé de ses paroles. Il a entendu dire ça, il a dit, ah, ça c'est quelque chose à écrire. Et il a écrit. Non. Est-ce que c'est le hadith pour la science religieuse? Très bonne question. Oui, c'est ce qu'on est en train de mentionner maintenant, c'est pour la science religieuse, ok? Pour les sciences de ce bas monde, ce n'est pas une ibada en tant que telle. Ça veut dire, si quelqu'un, mettons, il va dire, moi, je veux devenir médecin pour satisfaire à mes parents, pour que mes parents disent que toi, tu es quelqu'un, n'est-ce pas? Pour que les gens me respectent dans la vie, pour me faire de l'argent, etc. Ce n'est pas haram. Ce n'est certainement pas la meilleure intention à avoir, mais ce n'est pas haram. Ce n'est pas de l'ostentation. Mais ici, c'est différent parce que apprendre la science religieuse, c'est une ibad. C'est une adoration. Ça doit être fait seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière. Oui. Non. Inévitablement, le souhait du shaitan. Non. Voilà, mais c'est ça, comment faire pour contrôler ça? Parce que d'une certaine manière, le shaitan est derrière tout ça. Donc voilà, après ça, dis ça. Comment faire pour contrôler ça? Parce que oui. Le shaitan qui est derrière tout ça, quand même. Exactement. Donc, nous, comme on va le voir maintenant, inshallah ta'ala, on ne doit, le danger de l'ostentation ne doit pas nous empêcher de faire le bien est d'apprendre la science. Sauf que toi, l'important, c'est de toujours faire al-mujahada. Quand le shaitan, il te rappelle l'ostentation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire astaghfirullah. Tu repurifies ton intention. Surtout pour ce genre d'adoration. On a parlé de ça quand on a parlé de... C'est dans quel hadith? Je pense bien que c'est le premier hadith des 40 Nawawi, n'est-ce pas? Les cours sont sur internet, vous pouvez les écouter, inshallah ta'ala. Quand on a fait Jami' al-Ulum al-Hikam, on a parlé de la question de l'ostentation en détail, n'est-ce pas? On avait dit que l'imam Ibn Rajab, il a mentionné que pour certaines formes de bonnes actions, les intentions pures, c'est facile. Le ikhlas, c'est facile. C'est comme les cinq prières. Faire ta prière de Isha pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est difficile? Non. Si quelqu'un, il fait la prière, vraiment les cinq prières pour les gens, il y a un problème avec sa foi. Voyez-vous? Les gens, habituellement, ils font leur prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a certaines formes de bonnes actions, comme par exemple al-ilm, dans lesquelles l'intention, c'est quelque chose qui est dur, que tu dois toujours purifier de façon qui est constante. C'est pour ça, Imam Zahabi, rahimahullah, l'un des grands savants de l'islam, il a un grand livre comme ça de biographie, Siyaru A'lami Nubala, un livre de 24 tomes de biographie des grands savants de l'islam, etc., jusqu'à environ le 7e ou bien le 8e siècle. Alors, quand il a parlé de l'un des ulama de hadith, ce alim-là, il a dit: moi, je ne me rappelle jamais avoir dit un hadith, avoir enseigné un hadith dans lequel mon intention était pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Imam Zahabi, rahimahullah, il dit par la suite: Wallahi wa la ana. Même moi, je ne me rappelle jamais avoir dit un hadith ou bien enseigné un hadith que j'ai fait seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent qu'une telle ibada, comme la connaissance, c'est une ibada dans laquelle l'intention est dure. C'est difficile de purifier ton intention parce que tu dois le faire de façon qui est continue. Tu oublies une minute, le shaitan va te rappeler l'autre. Après ça, tu vas revenir vers la bonne intention. Shaitan va te ramener, etc. Mais l'important, c'est que ton intention fondamentale, ça c'est l'important, ça veut dire ton intention à la source. Quand tu vas ouvrir un livre pour le lire, n'est-ce pas, tu ne vas pas l'ouvrir pour les gens. Tu vas l'ouvrir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas dire: moi je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si le shaitan, comme ça parfois il passe, il te fait dévier à droite et à gauche, ce n'est pas grave, tant que toi tu peux te ramener de façon qui est continue. C'est clair? Et certains ulama, écoutez ça, certains ulama, mashallah, trois questions en même temps. Certains ulama, ils ont dit, ou bien l'un des ulama de hadith, il a dit que parfois je commence à lire un seul hadith et au milieu du hadith, je perds mon intention. Et je dois renouveler mon intention au milieu du hadith en tant que tel. Alors il a dit, un seul hadith parfois demande plusieurs intentions. Voyez-vous, c'est parce que, encore une fois, la récompense est grande. Alors, attends-toi en quelque sorte à ce que l'épreuve va aussi être grande. La récompense d'enseigner, de passer la connaissance, c'est une récompense qui est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a déjà mentionné, voyez-vous. Mais tu dois faire ton travail aussi qui est de purifier les intentions et de toujours les garder en surveillance de façon qui est constante et continue. Oui. Oui, exactement. Faire les bonnes actions pour les gens, c'est une ostentation. Arrêter de les faire pour les gens, c'est aussi de l'ostentation. C'est parce que toi, tu dois être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais pour Allah, tu ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que les gens pensent de toi ne devrait jamais être un souci. Toi, ton seul souci doit toujours être de toujours purifier et de toujours revenir, faire revenir ton intention vers la bonne place, ça veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Non, il n'y a pas de mal. Au contraire, si on voit une personne qui est plus pratiquante que nous et nous on dit je dois être meilleur que cette personne et je dois devenir meilleur, ça c'est certain. Tu peux même dire que tu veux être meilleur que 10 fois cette personne-là, il n'y a pas de mal, bien au contraire. Non. Oui, rapidement, rapidement, Inch'Allah, pour qu'on puisse avancer. Par exemple, tu veux faire un projet à réaliser. Oui. Un bon projet, oui, tu le fais. Comme on l'a mentionné, toujours les bonnes actions, en effet. En effet, on purifie. Notre obligation, c'est de purifier nos intentions et de faire l'action. Ce n'est pas de quitter l'action parce qu'on a peur de l'ostentation. Ça, il ne faudrait jamais le faire en tant que tel. Non. Donc, ici, regardez, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, on lui a demandé, on l'a questionné, « Kayfa niyatu fil ilm ?» C'est quoi ça, l'intention pure pour ce qui est de la science? Ça veut dire, comment m'assurer d'avoir la bonne intention? Quand je suis en train d'étudier la science, il a dit que tu dois avoir comme intention deux choses. « An yanfa'a nafsahu d'être bénéfique à toi-même, ça veut dire à ta propre foi, le jour du jugement, que quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être une personne qui est meilleure, parce que tu as consacré ce moment à l'apprentissage de la science. Et deuxième chose, wa an yanfa'a an-nas, et d'être bénéfique aux autres, ça veut dire de passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as l'une de ces deux intentions, tu es en train de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Non. Rapide, rapide. S'il vous plaît, juste les questions directement reliées à ce commençant. Okay? Les autres questions, on peut les laisser à la fin, Inch'Allah. Non, taïb. Regardez ici, quand on parle des intentions, comme je l'ai dit, ça ne devrait jamais vous décourager d'apprendre la science. Parce que Shaitan, il aimerait tant ça, de vous dire, toi, t'apprends pas la science pour Allah. Alors arrête. Écoutez ce que certains des salafs, des ancêtres, ils ont dit. Ça, c'est certains des grands de salaf, radiyallahu ta'ala anhum. كان يقال قال معمر لدي علماء سبب معمر إلى دي من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. Tout celui qui apprend la science pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la science ne lui laissera aucun choix que de le ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, parce que la science, de par sa nature, elle est là pour te rappeler l'importance de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, parfois, peut-être, tu vas commencer à lire, ton intention est mauvaise, mais quand tu vas commencer à lire, tu vas voir que ça t'interpelle, ça te parle directement et ça va te pousser à faire la tawba en tant que tel. Bien sûr, ça, c'est tant que la personne a un grain de bonté dans son cœur et de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui, comme on l'a mentionné, qui vend sa religion pour gagner cette vie du bas monde, il n'y a rien qui va l'affecter dans son cœur, wal'iyadu billah. Al-Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il a dit? Kunna natlubu al-ilm lid-dunya fajarrana ila al-akhirah. On apprenait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la dunya, mais elle nous a poussé vers l'au-delà. Voyez-vous, c'est probablement il parlait, bien sûr, ça c'est le Hassan al-Basri, l'un des grands adorateurs et l'un des grands, n'est-ce pas, l'une des personnes pieuses, etc. Mais probablement qu'il parlait de son jeune âge, n'est-ce pas? Quand la personne est jeune, tu vas voir tout le monde, il veut apprendre le Coran, tout le monde va à la mosquée, va apprendre les hadiths, etc. Je vais faire la même chose que tout le monde. Mais une fois que tu vas commencer à apprendre ce message, à l'apprendre par cœur, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que ce message, il te demande d'être en tant que personne, et là, il va te mener vers l'au-delà. Oui. Al-Hassan al-Basri. Son nom, c'est Al-Hassan al-Basri. Comme je le dis à chaque fois, Inch'Allah, toutes ces narrations en tant que telles, mot par mot, vous allez les avoir dans les notes de référence, Inch'Allah. Donc, vous n'avez pas à les écrire, surtout si vous comprenez l'arabe directement. Soufiane Thawri, il a dit la même chose. Un autre grand savant qui s'appelle Soufiane Thawri, rahimahullah, qui a dit « Kunna natlubu l'ilma lid-dunya fajarrana ila l'akhirah ». On a commencé à apprendre la religion pour ce bas-monde. Et elle nous a poussé vers l'au-delà. Elle nous a poussé vers l'au-delà. Non. Taïb, numéro 2. Quand on parle de l'éthique, le deuxième point important qui s'apparente un peu au premier, mais qui va nous parler un peu plus en détail, c'est l'importance de l'humilité et de la modestie. Voyez-vous, la psychologie qui est derrière ce point, c'est quoi? C'est que quand tu es en train d'apprendre, qu'est-ce qui arrive? Tu es en train de gagner quelque chose, n'est-ce pas? Ça augmente, ta valeur, elle augmente, parce que celui qui connaît beaucoup, ce n'est pas comme quelqu'un qui ne connaît rien. Et quand une personne ressent qu'elle a de la valeur, c'est quoi la menace à laquelle elle fait face? C'est l'orgueil, voyez-vous? L'orgueil et l'ostentation, c'était un peu le premier. On a déjà parlé de ça. Maintenant, on parle de l'orgueil, voyez-vous? Et du leurre, al-ghurur, al-kibr, etc. Donc, parfois, tu vas te penser, ah, moi, j'ai beaucoup de ilm. Ça veut dire, moi, je suis supérieur aux autres, n'est-ce pas? Regardez-moi, moi, je suis le savant, voyez-vous? Et ça, c'est dangereux. C'est contraire à l'éthique de al-ilm en tant que tel. Regardez ici, Ayyub al-Sartayani, vous pouvez écrire tout simplement Ayyub. C'est l'un des grands, des ancêtres aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, yambari lil-alimi an yada'a at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi ta'ala. Il a dit la seule chose, ou bien une chose que tout savant devrait certainement faire, c'est quoi? C'est de mettre de la terre sur sa tête. De prendre la terre comme ça et de la verser sur sa tête. Pourquoi? En signe de modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a préféré, il t'a donné tant de ilm, de connaissances, tu dois être encore plus modeste que les autres personnes et plus humble que le restant des personnes qui n'ont pas autant de connaissances que toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Que la vie de l'au-delà, elle est consacrée, elle est réservée à qui? للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Aux personnes qui ne cherchent pas la hauteur et la corruption sur cette terre. C'est quoi la hauteur? La hauteur, c'est l'orgueil. Ça veut dire c'est quelqu'un qui veut toujours être, c'est lui qui doit être au top. Ça veut dire tout le monde doit le regarder comme ça. Et lui, il doit regarder tout le monde comme ça. Voyez-vous, ça c'est une chose qui est dangereuse. Et ça, ça peut être parfois motivé par la richesse. Quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Par le pouvoir. Quelqu'un, il est puissant. Il a des gens qui lui obéissent, etc. Et ça peut aussi être motivé par la connaissance, qu'elle soit de ce bas monde. Il y a quelqu'un, il a son PhD. Il pense que parce qu'il a son PhD, il conduit comme ça. Et tout le monde doit le suivre derrière, n'est-ce pas? Tout le monde doit s'arrêter sur son chemin, etc. Là, tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre qui pense que parce que lui connaît le Coran et c'est un savant, etc., ça veut dire lui doit toujours marcher comme ça et les gens doivent tous s'arrêter comme ça. Regardez, c'est le cheikh qui passe, etc. Ça, wal'iyadu billah, c'est extrêmement grave et c'est contraire aux critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés pour les gens auxquels l'au-delà est réservé. Ça veut dire la yuriduna uluwan fil ardi wa la fasada. Soufyan Thawri, encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit? Man ahabba ar-riyasata, celui qui cherche ar-riyasa. Ar-riyasa, ça veut dire la position, voyez-vous, les postes en quelque sorte, les grandes fonctions comme ça. Ça veut dire celui qui veut être appelé le mufti de telle chose et le grand cheikh et telle chose, s'il cherche ça, qu'est-ce qu'il a dit? Falyu'id ra'sahu lin-nitah. C'est quoi le nitah? Est-ce que vous savez? Hein? Qu'il prépare sa tête à se faire cogner et à cogner. Ça veut dire comme les moutons, ils font, n'est-ce pas? Comme quand il y a deux moutons qui sont en colère comme ça, ils veulent faire une chicane, confrontation, ils vont se cogner avec le crâne, avec la tête. Il dit, Soufyan Thawri, celui qui aimerait, celui qui cherche ar-riyasa, celui qui ne cherche pas que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il cherche les positions, alors qu'il se prépare à la guerre, c'est parce qu'il va avoir beaucoup de concurrents et ça va faire extrêmement mal. Tandis que si tu cherches la connaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin est libre. Vas-y, avance et il n'y a personne qui va t'interrompre. Et Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, il a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique du prophète alayhi sallatu wa sallam, dans lequel il a dit ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad laha min. Il a dit alayhi sallatu wa sallam, imaginez deux loups affamés qui ont faim et qui attaquent librement, qui sont envoyés sur un convoi, sur un groupe de moutons. Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Ça va être une catastrophe, voyez-vous. Il dit, alayhi salatu wassalam, que le danger de ces deux loups-là est moindre que le danger de deux autres choses pour la religion de la personne. Pour ta religion à toi. Ça veut dire, pire que de te faire attaquer, que d'avoir tes moutons qui sont attaqués par deux loups, qui sont affamés, il y a deux autres choses qui peuvent t'attaquer, attaquer ta religion, qui sont pires. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Min hirsil mal al-mar'i ala al-mali wa sharafi li-dini. Le premier loup, qui est plus dangereux que l'autre loup, c'est quoi? Al-hirsu ala al-mal. C'est l'attachement à l'argent. Pas l'argent. L'argent, s'il est halal, il est halal. Mais l'attachement à l'argent, c'est autre chose. Et pas la richesse aussi. Parce que la richesse, si tu as la richesse, elle est halal. Tant que tu l'as gagnée de la bonne façon, tu la dépenses de la bonne façon, pas de problème. Mais al-hirs, c'est l'attachement. Ça veut dire, tu n'acceptes pas la réalité qu'aujourd'hui, tu es un pauvre. Non. Tu veux être riche coûte que coûte. Tu veux avoir ton argent coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va te pousser à faire quoi? Ah, n'est-ce pas? Tous les moyens seront bons. Pourquoi? Parce que ton objectif, ça y est, tu es attaché à l'argent, à la richesse. Il a dit ça, c'est le premier loup qui est plus dangereux que le loup qu'on envoie sur les moutons. Et le deuxième loup, en quelque sorte, c'est quoi? Al-hirsu ala al-sharaf. Ton attachement à ton honneur. Il y a des personnes, tu peux prendre son argent, pas de problème. Mais dès que tu le critiques comme ça, un peu, tu touches un peu à son honneur, c'est la fin du monde. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il veut être... il a un problème à l'intérieur. Il a un problème d'arrogance, d'orgueil, de fierté qui excède le raisonnable, etc. Et il ne veut pas être touché. Bien au contraire, il veut toujours être lui qui est le plus haut. Si tu as l'un de ces deux attachements dans ta vie du bas-monde, sache que tu as une grande menace qui guette en quelque sorte ta foi et ta religion et ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Non. Regardez ici, Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala an, le grand calife Ali, radiallahu ta'ala an, il a dit « Annahu kharaja yawman min al-masjidi, fattaba'ahu al-nasu, faltafata ilayhim, wa qala, ayu qalbin yasluhu ala hadha. » Une fois Ali, radiallahu anhu, il est sorti de la mosquée. Il y a des personnes qui font la même erreur que plusieurs fois, malheureusement, même de nos jours, même si c'est avec une bonne intention. Il est sorti de la mosquée, il se dirige vers sa destination. Il se retourne comme ça et trouve un groupe de personnes qui le suivent. Ils ont dit, ah, c'est le calife, on va marcher derrière lui. N'est-ce pas, c'est tel savant, comme les gens ils vont dire. Ah, oh, regarde, c'est tel cheikh, on va marcher derrière lui, on va marcher derrière lui. Vous savez, subhanallah, c'est pas pour... Vous savez que je ne suis pas quelqu'un de nationaliste ou bien qui a des problèmes avec des gens d'autres pays, etc. Chaque société a ses défauts, voyez-vous. L'un des défauts de nos frères en Égypte, de nos frères égyptiens, c'est qu'ils sont, ils sont un peuple qui aime, en quelque sorte, c'est un peuple qui est très, très lumière. Ça veut dire tout ce qui est médias, personnes populaires, etc., ils aiment ça. Ça veut dire si tu ramènes quelqu'un de populaire, de connu, les gens vont tout sortir. Ils veulent le voir, ils veulent lui parler, etc. Voyez-vous, c'est une chose qui existe dans tous les peuples du monde, mais qui existe dans certains peuples plus que d'autres peuples. Les peuples qui aiment les stars, en quelque sorte, ce qu'on appelle les stars, voyez-vous. Cette star peut être n'importe quoi. Les gens aiment tant que cette personne est connue. Wallah, il y a des ulama, des gens, des du'ats comme ça, très connus en Égypte, qui, eux, ils donnent des cours, même à la télé, etc., que vous avez probablement vu sur Internet, etc. Ils disent aux gens, c'est important pour toi d'aller prier, la prière à la mosquée, etc. Eux, ils ne font pas la prière à la mosquée. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la prière à la mosquée. Ils ne peuvent pas sortir de chez lui. Imaginez. L'un d'entre eux, une fois, il a fait une khutbah, il a visité comme ça une ville, il a fait une khutbah de Jumu'ah. Après la khutbah, les gens l'ont tellement encerclé et serré à l'intérieur qu'il s'est fracturé le bras. Imaginez à quel point. Et il y a un autre cheikh aussi, le mois de Ramadan, il veut faire tarawih comme tout le monde, il ne peut pas. Et il sait, ça fait très longtemps qu'il priait dans une mosquée, parce que la personne, la façon dont elle récite, etc., mashallah, c'est une belle récitation, il aime la récitation d'une telle personne. Il est parti comme ça, il s'est presque ouvert en niqab, il a presque ouvert son visage. Et à un certain moment donné, lors du mois de Ramadan, ils ont découvert que c'était le cheikh tel qui était avec nous. Et depuis ce jour-là, il n'a plus pu retourner en quelque sorte. Voyez-vous, donc, l'amour pour les pieux, etc., c'est quelque chose de bien, mais ça ne doit pas être abusif. Les sahabas, les compagnons, ils ne marchaient pas derrière le prophète, alayhi salatu wasalam, comme ça à chaque fois, etc., n'est-ce pas? Ils lui laissaient ça, en quelque sorte, son espace, n'est-ce pas? Sa liberté de vivre et de vivre sa vie qui était privée, alayhi salatu wasalam. Alors regardez, Ali, radiyallahu ta'ala anhu, « Annahu kharaja yawman min al-masjidi, fattaba'ahu al-nas. » Les gens ont commencé à marcher derrière Ali radiallahu anhu quand il est sorti de la mosquée. Faltafata ilayhim wa qala. Il s'est arrêté comme ça, il s'est retourné vers eux, il a dit: Ayu qalbin yasluhu ala hadha. Pensez-vous qu'un cœur ne sera pas corrompu par une telle action que vous allez faire? Y a-t-il un cœur qui peut faire face à une telle tentation que vous êtes en train de me causer? Après ça, il a dit: Khafqun ni'ali mafsadatun li qulubin nawka ar-rijal. Il a dit que la claque des souliers, n'est-ce pas, quand tu entends des souliers qui marchent derrière toi comme ça et tu sais que les gens s'entraînent de marcher derrière toi, c'est une corruption pour le cœur des personnes. Voyez-vous, c'est une corruption pour les cœurs des personnes. Ça veut dire, il est en train de leur dire, ce n'est pas parce que je suis le calife et l'un des savants, des compagnons, etc., que vous allez me donner une position qui est plus haute que la position d'un être humain qui est normal et qu'à chaque fois que je marche, vous marchez derrière moi, etc. Laissez-moi tranquille et laissez-moi vivre ma vie modeste entre moi et entre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, en passant, tout ce qu'on va mentionner, la question qui s'est répétée plusieurs fois, comment savoir c'est qui un alim, n'est-ce pas? Comment savoir est-ce que je consulte une telle personne, est-ce que je lui fais confiance pour ma religion ou non? Tout ce qu'on va mentionner maintenant dans l'éthique de la science, c'est des points de repère. Ça va te dire que ah, telle personne, ça ne répond pas à tel critère. Ça veut dire que je ne lui fais pas pleinement confiance en ce qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, vous avez trouvé de nos jours, si de nos jours, et ça existe, si vous trouvez quelqu'un, le simple fait que quelqu'un ne l'appelle pas le grand cheikh, il va l'appeler le cheikh, il va s'emporter. Ou bien quelqu'un, que s'il y a l'un de ses étudiants qui ose comme ça dire, « Ya cheikh, wallahi, je pense que tu as fait une petite erreur comme ça », il va lui faire toute une leçon de morale, sachez que cette personne-là, elle a probablement un problème avec son intention et avec son intégrité pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est très, très fréquent dans de nos jours. Je parle de nos jours. C'est pas une règle générale. Je parle de nos jours. C'est très fréquent pour ce qu'on appelle les ulama officiels. N'est-ce pas, les ulama officiels comme ça, choisis par des gars comme Husni Mubarak, etc. Il va vous dire, ça, c'est votre alim du pays, etc. Sachez qu'il y a quelque chose derrière, voyez-vous. Comme l'un d'entre eux, c'est entre guillemets alim comme ça officiel, ça fait quelques années, ça fait 3 ou 4 ans, il a ouvert son site web officiel personnel, il l'a appelé alimamalallama.com. Le imam, le grand savant.com. Il n'a même pas mentionné son nom. Ça veut dire, et les autres, il va prendre quoi comme nom de site web, voyez-vous. Après ça, après quelques temps, il l'a enlevé parce qu'il a vu probablement que les gens n'aimaient pas une telle chose. Non. Et bien sûr, les soi-disant aussi cheikh, même si ça devient plus apparent et plus grave en quelque sorte, n'est-ce pas que lui, il va s'asseoir comme ça sur sa chaise et tout le monde va venir, ses étudiants, se mettre à quatre pieds comme ça et embrasser ses mains et le prochain, n'est-ce pas, un après l'autre. Sachez qu'il y a quelque chose qui est, en quelque sorte, qui ne va pas avec une telle personne. Imam Thawri, rahimahullah, encore une fois, Soufiane Thawri, écoutez bien ça. Il te décrit c'est quoi la psychologie interne d'un savant? C'est quoi le cycle de vie d'un savant? D'un savant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il te dit, « Al-ulama'u, idha alimu, amilu. » Les vrais savants, quand ils apprennent, ils vont pratiquer, ils vont agir, mettre en pratique. « Fa'idha amilu, shurilu. » Quand ils vont mettre en pratique, ils vont devenir plus occupés. Voyez-vous, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, il a appris un hadith de plus. Lui, il est sincère. Il a dit, je viens d'apprendre une nouvelle sunna, je dois l'implémenter maintenant dans mon quotidien. Ça va prendre un peu plus de 100 ans. Il va devenir plus occupé. فَإِذَا شُغِلُوا فُقِدُوا. Alors, s'ils vont devenir occupés, on va les perdre. Les gens ne vont plus les voir fréquemment. Ah, lui, on le voyait beaucoup, on ne le voit plus. Ben, c'est parce qu'il fait plus de prières. Il a plus de sunna, etc., etc. فَإِذَا فُقِدُوا طُلِبُوا. Et s'ils vont être perdus, les gens vont se mettre à leur recherche. N'est-ce pas? Ils vont commencer à les chercher. Lui, il est où? Tel cheikh, on ne le voit plus, ça fait longtemps, etc. On aimerait lui poser des questions, etc., etc., etc. فَإِذَا طُلِبُوا هَرَبُوا. Et quand on va se mettre à les rechercher, ils vont s'évader. Ça veut dire qu'ils vont se cacher parce qu'il ne veut pas que les gens lui cassent sa tête, il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas s'afficher devant les gens en quelque sorte. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va se cacher vraiment là, derrière une table, mais ça veut dire qu'il va essayer de garder plus de temps pour soi-même dans sa relation entre lui et entre Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, en passant, petite parenthèse comme ça, prenez ça, je dis ça en conseil à moi-même et aux autres, prenez ça aussi en considération, n'est-ce pas? Quand on parle avec les ulama, les du'ats, les gens de science, etc., rappelez-vous toujours que eux, leur mission, ce n'est pas juste de répondre aux questions des autres, que eux aussi, ils ont, en plus de leur vie personnelle, ils ont aussi une vie entre eux et entre Allah subhanahu wa ta'ala à pratiquer. Voyez-vous donc, il y a des gens qui appellent à 11h du soir, ils appellent, n'est-ce pas, à minuit, ils veulent que ces réponses arrivent de façon qui est express, etc., etc. C'est pas que les gens aussi doivent faire leur prière, n'est-ce pas, et leur salate, etc., que ces gens-là ont des obligations, tout comme toi, tu en as. Oui. Cheikh, c'est quand on dit à une personne cheikh. Cheikh, ça peut avoir plusieurs sens. Un cheikh dans la langue arabe, c'est quelqu'un d'âgé. Donc toute personne âgée, tu l'appelles un cheikh. Ok? Le deuxième sens de cheikh, c'est une personne qui est respectée. Voyez-vous, donc une personne qui est respectée dans la communauté, etc., plus âgée que toi, n'est-ce pas? Tant que tu le dis pas avec l'intention, au sens que ça c'est un cheikh, questionnez-le, il n'y a pas de mal à l'appeler cheikh par signe de respect. Mais cheikh, quand on parle d'un alim en tant que tel, n'est-ce pas, un alim en tant que tel, tu peux parler bien sûr du imam de la mosquée, etc. Tu peux dire cheikh comme un titre de respect. Mais pour parler d'un alim, de dire que c'est un cheikh qui est un alim, etc., ça doit être réservé pour les ulama en tant que tel. Et plus grand que ça, il y a un autre titre que les gens, spécifiquement ici en Amérique du Nord, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Le titre imam, il l'accorde à droite et à gauche. Imam tel, imam tel. Voyez-vous? Ce n'est pas imam de la mosquée. Imam de la mosquée, c'est autre chose. C'est-à-dire, le imam de la mosquée, Cheikh Foulan, ça c'est normal, c'est une descriptive. Mais de mettre ça comme un titre, comme PhD, comme docteur, etc., ça veut dire, même dans sa vie de tous les jours, on ne l'appelle plus telle et telle personne avec son prénom, on l'appelle imam tel. Imam tel, ça c'est... Imam, c'est plus grand que savant même, voyez-vous? Même la plupart des savants, la plupart des ulama, on ne les appelle pas imam de nos jours, même les grands savants, etc. Si tu vas dire, c'est pas moi, comme un alim, l'un des grands ulama de hadith de nos jours, ou bien dans notre siècle, dans notre ère, Cheikh Albani, rahimahullah, si tu vas dire imam Albani, ça va clocher comme ça dans ton oreille. Non, non, personne qui a dit imam Albani, là tu es parti trop loin, voyez-vous? Il n'y a personne qui va accepter que tu vas dire imam Albani. C'est Cheikh Albani, on l'appelle comme ça, voyez-vous? Imam, c'est imam Malik, imam Ahmed, imam Abu Hanifa, imam Bukhari. Mais le genre de nos jours, imam. Imam tel, imam tel, imam tel. Al-alimu, regardez une autre analogie. C'est-à-dire, al-alimu, ça c'est très beau, écrivez ça. Al-alimu mithla shajara kullama zada thamaruha zada hinauha. Il te dit, le savant, c'est comme un arbre. Le plus qu'il contient de fruits, le plus qu'il va s'incliner. Voyez-vous? Quand un arbre porte beaucoup de fruits, qu'est-ce qui va arriver? Les branches vont devenir plus inclinées. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il se rapproche de la terre. La même chose, le savant, la personne le plus qu'elle a de ilm, de connaissance, le plus qu'elle va être inclinée, ça veut dire modeste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Modeste et humble. Et après ça, il te dit, wal jahilu mithl ad-dukhan. Et l'ignorant, c'est comme la fumée. Tarahu murtafi'an wa laysa bi shay. Tu vois qu'il monte en hauteur et ce n'est rien du tout. Voyez-vous? L'ignorant, tu vois qu'il monte, il monte, il monte, mais c'est rien. C'est de la fumée. Ça va disparaître. Non. Ça, c'est une citation comme ça. Il n'y a pas de nom en tant que tel. C'est une citation de sagesse. Anonyme. Regardez ça, un autre exemple de l'humilité des ulama. Et en passant, si on parle de l'humilité des ulama, on ne va jamais en finir. Si on fait une recherche juste sur ça, on peut chercher dans les livres. Il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. Imam Ibn Wahb, rahimahullah, on a déjà mentionné Ibn Wahb la dernière fois, on avait dit que c'était l'un des grands étudiants de l'imam Malik, rahimahullah. Alors il a dit, « Sami'tu Malikan wa qala lahu Ibn al-Qasim. » Donc il nous raconte ici une petite expérience comme ça qui est arrivée. Lui, il était avec Imam Malik et avec eux, il y avait un autre étudiant de l'imam Malik, l'un des grands étudiants Imam Malik, qui s'appelle Ibn al-Qasim. Imam Ibn al-Qasim, rahimahullah ta'ala. « Laysa ba'da ahli al-Madinati ahadun a'lama bil-buyu'i min ahli Misra. » Écoutez ça bien. Son étudiant, il dit à l'imam Malik, il a dit, « Il n'y a pas des personnes qui s'y connaissent plus dans les règles relatives aux transactions financières, en islam, ça veut dire dans le fiqh, après les gens de la Médine que les gens de l'Égypte. » Vous savez, les ulama, dans le temps, parfois ils disaient, les gens de tel pays, c'est les meilleurs dans telle spécialité. Les gens de tel pays, c'est les meilleurs dans tel chapitre, etc. Alors il dit, les meilleurs dans le fiqh des transactions, c'est les gens de la Médine, c'est connu. Mais il a dit, je ne pense pas qu'il y a des personnes qui s'y connaissent plus dans les transactions financières après les gens de la Médine que les gens de l'Égypte. Alors Imam Malik, rahimahullah, il a dit, min ayna alimu dhalik? C'est comment qu'ils ont pu apprendre ça? Ça veut dire, c'est quoi qui a fait en sorte qu'ils se sont distingués sur le chapitre ou bien dans le chapitre des transactions financières? Alors il a dit, Ibn al-Qasim, rahimahullah, minka ya Aba Abdillah. Ben de toi. Ça veut dire parce que les gens de l'Égypte, dans le temps d'Imam Malik, rahimahullah, sans savoir, est arrivé jusqu'à l'Égypte. Donc lui, il disait que les gens de l'Égypte se sont tant intéressés au fiqh de l'imam Malik, qu'ils sont devenus les premiers spécialistes après les gens de la Médine pour ce qui est des transactions financières. Alors regardez, subhanallah, cette réponse humble de l'imam Malik. Imaginez si quelqu'un te dit la même chose. Tu n'es même pas imam Malik. De nos jours, comment tu vas lui répondre? Tu vas dire, ah, jazakallah khair, n'est-ce pas? Bien. Je sais que tu en ajoutes un peu, mais n'est-ce pas? Regardez ce que imam Malik, rahmahullah, il a dit. Il a dit, ma a'lamuha ana, fa kayfa ya'lamunaha bi. Il a dit, moi je ne la maîtrise pas. Comment est-ce qu'eux, ils la maîtrisent à travers moi? Voyez-vous, c'est comme, moi je ne m'y connais pas dans ce chapitre. Comment est-ce que tu veux que eux, Ils s'y connaissent à travers moi. Bien sûr, Imam Malik, c'est Imam Malik, voyez-vous, mais parler ici, c'était par humilité et par modestie pour dire à son étudiant en quelque sorte, arrête d'exagérer et n'entre pas dans le fanatisme. Est-ce que c'est clair? Taïb. Troisième point, pour ce qui est de l'éthique de la connaissance, et ça aussi c'est très important, c'est l'importance de s'éloigner des personnes d'influence. L'importance de s'éloigner des personnes d'influence. Qu'est-ce que ça veut dire ici les personnes d'influence? Oui. Les haut placés. Voyez-vous, les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont de la richesse. Et pourquoi selon vous? Pourquoi cette importance de s'éloigner des gens qui sont influents? L'orgueil d'être avec eux, il y a encore plus grave que ça. Mauvaise influence, quoi d'autre? Hein? La jalousie, quoi d'autre? Excellent, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas tomber dans le conflit d'intérêts qui va causer par la suite la corruption, n'est-ce pas? Le problème que vous lisez à chaque fois, à chaque jour, dans les articles et sur Internet et à la télé, etc., toujours la corruption, c'est quoi la corruption? C'est ça, n'est-ce pas? C'est quand il y a des personnes que les gens, auxquelles les gens ils font confiance. Ah, toi, tu es un expert dans ce domaine. On va écouter ce que toi, tu vas dire. Alors que toi, tu vas tourner ton dos comme ça et tu as quelqu'un qui est haut placé derrière toi, quelqu'un qui est influent, qui a de l'argent. Et tu vas commencer à servir ses intérêts. Et ça va te mener même parfois à mentir aux gens pour servir les intérêts de l'autre. Alors que le alim, il est alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous référer au alim en tant que tel, pas pour le alim. Et ça, c'est une petite distinction importante aussi à écrire et à bien comprendre. Ce n'est pas directement relié aux notes, mais je viens de me rappeler de ça. C'est parce que ça cause problème à plusieurs personnes, n'est-ce pas? Les ulama, les savants, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de leur obéir, de les respecter, de les aimer. Mais tous ces attributs que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de leur accorder, ce n'est pas pour leur personne. C'est dépendant de leur connaissance et de leur intégrité, de leur service pour la umma du prophète alayhi salatu wasalam. Ce ne sont pas des prophètes. Le prophète alayhi salatu wasalam, on l'aime pour lui-même. C'est le prophète alayhi salatu wasalam. C'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un élu. Il est spécial, il est plus haut que les autres, voyez-vous. Les ulama, aujourd'hui tu es un alim, tu as la connaissance, tu as l'intégrité. Demain tu changes, tu es plus intègre, on te respecte plus. C'est aussi simple que ça, voyez-vous. Aujourd'hui tu as alimun billah, alimun bi amrillah, on te respecte, on t'aime. Demain tu deviens criminel, même si tu te rappelles encore de ce que tu as appris pendant les 12 ou bien les 20 dernières années, mais ton respect, on ne te l'accorde plus, tu es une personne comme les autres, voyez-vous. Donc ici, l'importance de ne pas se rapprocher des personnes d'influence pour rester indépendant. Quand les gens ils te demandent est-ce que ça c'est halal, ça c'est haram, tu ne fais pas un deuxième, un troisième et un quatrième calcul, voyez-vous. Qu'est-ce que lui, tel autre dirigeant va dire de moi si je dis que c'est halal? Et lui le riche qui me donne à chaque fois des cadeaux, si je dis que ça c'est haram et je sais bien que lui il fait ça et les gens ne vont plus acheter peut-être de son magasin, qu'est-ce qu'il va dire de moi, etc., etc. Ça va commencer à influencer tes réponses, n'est-ce pas? Et tu vas commencer à égarer les gens alors que les gens te font confiance. C'est pour ça que regardez, qala Ja'far ibn Muhammad, Sadiq, il a dit, إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَالِمَ مُحِبًّا لِدُنْيَاهُ فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ. Il a dit, si vous voyez un savant qui s'attache tellement à sa dunya, méfiez-vous de cette personne pour ce qui est de votre religion. Ça veut dire, ne lui faites pas confiance pour votre religion. Pourquoi il a dit, فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ لِشَيْءٍ يَحُوطُ مَا أَحَبٍ. Car toute personne qui aime quelque chose va défendre les intérêts de cette chose à laquelle elle s'attache. Voyez-vous, donc, s'il y a un alim qui a beaucoup de connaissances, mais il est tellement attaché à la dunya, ses intérêts qu'il va défendre, c'est les intérêts de la dunya. Et la connaissance va venir servir cette dunya par derrière. Voyez-vous, alors qu'on le sait tous, de la vie des prophètes et des messagers, alayhi mussalatu wassalam, que habituellement, si tu es un héritier des prophètes, ça veut dire si tu suis le chemin des prophètes, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être éprouvé tout comme eux, ils ont été éprouvés. Et éprouvé, ça veut dire sacrifier de ta vie du bas-monde. C'est ça ce que ça veut dire, éprouvé. Mais celui qui est tellement attaché à sa vie du bas-monde, il ne va pas sacrifier. Le jour où il aura à faire un choix, il va sacrifier sa religion et les gens ils savent pas, ils vont être égarés en pensant que c'est quelque chose qui est bon en quelque sorte. On va juste finir les points, après ça on prend les questions, ok? Pour chaque point, comme ça on va avancer plus de façon plus méthodique, inshallah. Écoutez cette belle petite histoire. Cette belle petite histoire. Écoutez encore une fois le genre de personnes qui nous ont transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن حفص بن غياث قال بعث العباس بن موسى أمير الكوفة إلى الأعمش بألف درهم وصحيفة. Il a dit ici, c'est حفص بن غياث, l'un des savants, qui nous parle d'un autre savant qui s'appelle l'A'mash. On va parler de l'A'mash trois ou quatre autres fois. L'A'mash était quelqu'un qui était en quelque sorte aveugle, mais c'était l'un des grands savants de l'islam. Et il était connu, n'est-ce pas, l'A'mash, alayhi rahmatullahi ta'ala, pour un trait très spécial dans sa personnalité. C'était quelqu'un de dur. C'était quelqu'un de dur et de strict avec ses étudiants. Ça veut dire, malgré qu'il était aveugle, ses étudiants avaient peur de lui. Et il le faisait de façon qui était volontaire, voyez-vous. C'est une façon parmi d'autres. Tout comme il y a des enseignants qui veulent t'enseigner d'une façon qui est souple, etc. Il y a d'autres qui veulent être durs avec toi pour que tu prennes la science au sérieux, voyez-vous. Et ça, c'est une méthode, on n'a pas malheureusement le temps d'entrer dans ce détail-là, mais c'est une méthode que certains savants de l'islam, ils utilisaient pour filtrer leurs étudiants. Par exemple, quand un étudiant venait vers eux pour apprendre le hadith, il lui disait, est-ce que tu apprends le Coran? Non, dehors, je ne t'accepte pas. Va apprendre le Coran, après ça tu vas venir et je vais t'enseigner le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc pour faire en sorte d'éviter notamment ce qu'on a mentionné, n'est-ce pas, les savants pervers, pour que ces gens pervers là n'accèdent pas au haut de la connaissance et qu'ils deviennent un problème pour la communauté, une source d'égarement, ils mettaient des obstacles. Ça veut dire c'est seulement si tu es sincère que tu vas passer à ces obstacles. Et l'un des meilleurs exemples, c'était l'imam al-A'mash alayhi rahmatullahi ta'ala. Lui, quand ses étudiants, ils venaient chez lui à la maison pour apprendre le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, vous savez qu'est-ce qu'il faisait entre autres? Il libérait ses chiens contre eux pour leur faire peur. Et eux, ils disaient, ya imam, c'est les chiens, etc. On est venu apprendre le hadith, etc. Il dit rien. Pourquoi? C'est pour faire en sorte que seulement une personne qui est sincère va rester ici pour apprendre là le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Voyez-vous, c'est comme ils font dans toutes les armées du monde, dans les forces spéciales, etc. Ils vont leur faire passer un exercice là qui est surhumain. Voyez-vous, il y a la plupart des personnes, ils vont craquer, ils vont laisser tomber. Ça veut dire, tu n'es pas fait pour une telle fonction. C'est la même chose ici. Dans leur temps, ils faisaient des filtres pour prendre seulement les personnes qui étaient dignes de porter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'A'mash? C'est pas qu'il envoyait seulement ses chiens sur les étudiants, même avec les dirigeants. Ba'ath al-Abbas ibn Musa, qui était l'émir de Al-Kufa en Irak, c'était l'un des dirigeants de l'Irak, il a envoyé la somme de 1000 dirhams, ça veut dire une somme en argent, pas en or, en argent, ça veut dire le métal, l'argent, avec un papier comme ça. Faqala اكتب لي فيها من حديثك. Il a dit voilà 1000 dirhams et voilà un papier, si tu pourrais m'écrire certains de tes hadiths s'il te plaît. Ça veut dire les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire Amash, il va dire j'ai entendu tel cheikh me dire que telle chose que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit. Voyez-vous? Alors qu'est-ce qu'il a fait l'Amash? فأخذ الألف درهم وكتب له فاتحة الكتاب. Il a pris les 1000 dirhams, Imam al-A'mash rahimahullah, il a écrit sourate al-Fatiha sur le papier. Et il y a retourné. Alors, ce dirigeant, il a reçu le papier, il a lu comme ça sourate al-Fatiha, lui a envoyé un autre message. Il lui a dit, أَبَلَغَكَ أَنَّا لَا نُحْسِنُ الْقُرْآنَ. Est-ce que quelqu'un t'a dit que nous, on ne connaît pas le Coran? Ça veut dire, tu te moques de moi ou quoi? Voyez-vous? Alors, Imam al-A'mash, rahimahullah, lui a envoyé un autre message. Il lui a dit, أَبَلَغَكَ أَنَّا نَبِيعُ الْعِلْمِ. Est-ce qu'on t'a dit que nous on vend la religion, on vend la science? Voyez-vous, c'est comme, pourquoi tu m'envoies? Si tu veux apprendre le hadith du prophète, tu m'envoies une feuille. Si tu m'envoies une feuille avec de l'argent, ça veut dire que tu veux m'acheter. Je prends l'argent et je te retourne le fatiha. Voyez-vous, je ne te donne rien de spécial. أهدوا للأوزاعي هدية أصحاب الحديث. فلما اجتمعوا الإمام الأوزاعي, un autre grand des savants de l'hadith, ses étudiants, une fois, lui ont préparé un beau cadeau comme ça. On lui a donné ça comme étant un cadeau. À l'avance, et après ça, ils se sont rassemblés avec lui. pour leur cours hebdomadaire ou quotidien. Allahu ta'ala a'lam. Falamma ijtama'u, quand il les a rencontrés, il a reçu le cadeau, etc., il leur a dit, antum bil khiyar, c'est à vous de choisir. In shi'tum, qabiltu hadiyatakum wa lam uhaddithkum, wa in shi'tum, haddathtukum wa radadtu hadiyatakum. C'est à vous de choisir. Si vous voulez, je vais vous enseigner et je vous retourne votre cadeau. Ou bien je prends le cadeau et je ne vous enseigne pas. Voyez-vous, c'est parce qu'il ne veut pas prendre le cadeau et enseigner. C'est parce que s'il prend le cadeau, il enseigne, n'est-ce pas? Ah, ces gens-là sont riches, ils m'ont fait un grand bienfait comme ça, c'est eux qui m'ont donné ce cadeau, etc. Et il arrive un hadith comme ça, mais je ne pense pas que ce hadith, ils vont vraiment l'aimer, n'est-ce pas? On passe à un autre comme ça, voyez-vous. Non, tu dois être indépendant. En tant que alim, tu dois être indépendant. Tu dis ce que tu crois que c'est la vérité, tu vas le passer. C'est le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et nous avons ici un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui est dans silsila sahiha, n'est-ce pas? Il a dit: Man bada jafa wa man ittaba'a sayda ghafal. Celui qui devient un bédouin, ça c'est les mots du prophète alayhi salatu wa salam. Man bada jafa. Tout celui qui décide de devenir un bédouin, ça veut dire si quelqu'un il habitait dans une grande ville comme ça, et après ça, il préfère sortir de la civilisation et aller vivre, n'est-ce pas, avec les bédouins, etc. Il dit, alayhi salatu wasalam, Jaf, il va devenir dur. Son caractère va devenir dur. Wa man ittaba'a sayda ghafula. Et celui qui court, ou ghafala, celui qui court et celui qui suit, celui qui est toujours derrière la chasse, celui qui toujours s'en soucie, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est la chasse et courir derrière les animaux, etc. Il dit, alayhi salatu wasalam, ghafal. Il va finir par oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à faire avec de façon qui est excessive. Voyez-vous, ça veut dire la chasse, la pêche, etc. C'est des choses comme ça, des passe-temps, ou bien que la personne fait pour devoir se nourrir, etc. Mais ce n'est pas quelque chose à faire 24 heures par jour. Voyez-vous, c'est parce que tu vas tomber dans al-ghafla, tu vas oublier al-hayat al-akhir. Et après ça, il a dit, alayhi salatu wassalam, wa alaykum salam wa rahmatullah. Écoutez bien ça. Ça, c'est un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa man ata abwab sultani ftutin. Et celui qui se rapproche des portes des rois et des dirigeants, il va être attrapé par la fitna. Ça veut dire sa religion va être affectée, va être éprouvée dans sa foi. Sa foi va diminuer en quelque sorte. Et après ça, il a dit, alayhi salatu wassalam, وَمَا ازْدَادَ أَحَدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بُعْدًا. Et toute personne qui se rapproche plus du sultan, ça veut dire du roi, du dirigeant, va s'éloigner plus d'Allah subhanahu wa tabaraka wa voyez-vous, c'est pour ça que certains des salafs, des ancêtres, ils disaient, j'ai tellement peur des dirigeants. Alors, l'un des ulama a dit, comment ça t'as peur de eux? S'ils te font du mal, tu vas tout simplement être passant. Il a dit, non, j'ai pas peur de leur mal, j'ai peur de leur bien. J'ai peur d'entrer comme ça, tu entres dans le château, tu commences à voir à droite et à gauche, n'est-ce pas? Ils le font, il y en a qui le font jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains des émirs comme ça, des pays du Golfe, etc. Ils essaient parfois d'inviter des gens de religion, etc. Ils font des, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu parler comme ça, l'un des du'at, il est déjà parti, il a dit, les fruits qu'ils ont mis, la nourriture qu'ils ont mis, c'est de la nourriture que j'ai jamais vue et c'est des fruits dont j'ai jamais entendu parler dans ma vie. Voyez-vous? Tu vas être affecté dans ta foi. C'est normal. On va dire, ça c'est un autre monde, ça c'est fou. Voyez-vous, donc tu vas être affecté dans ta foi en tant que telle. Et c'est pour ça que les ulama, ils encourageaient toujours que la personne de science s'éloigne d'une telle personne afin qu'elle reste toujours en quelque sorte indépendante. Et Hudhayfa radiyallahu anhu. Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est qui Hudhayfa? Vient de quelle génération? Hudhayfa, c'est l'un des sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui se spécialisait dans la science des fitan. Ça veut dire des épreuves. Il sait tout ce qui est le mal, il le connaît. Tout ce qui est le mal, il le connaît parce qu'il questionnait le prophète alayhi salatu wassalam. Quelles sont les choses à éviter? Donc ça c'est des mots que tu vas prendre d'un expert, quelqu'un qui est approuvé comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Hudhayfa radiyallahu anhum? Radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: "Iyyakum wa mawaqif al-fitan." Faites attention au mawaqif, ça veut dire aux places et aux lieux de la fitna. Quand on parle de la fitna, ça veut dire c'est quelque chose qui va affecter ta foi, quelque chose qui va t'égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qila wa ma mawaqif al-fitan ya abd Allah. On a dit c'est quoi ça? Mawaqif al-fitan, c'est quoi ces lieux là qui dans lesquels en quelque sorte on va être la cible? C'est comme s'il est en train de te dire, n'est-ce pas? On va expliquer le athar, les mots de Hudhayfa radiyallahu anhu par une analogie, plus de nos jours comme ça. C'est comme s'il est en train de te dire attention à telle place et telle place et telle place. C'est parce que tu vas être sous la cible du tireur d'élite, n'est-ce pas? Le sniper comme ça, il vise là-bas. Celui qui arrive là-bas, t'es parti. C'est la même chose. Le shaitan, ça c'est des lieux dans lesquels il vise. Si tu pars là-bas, tac. Il te vise directement dans ta foi et dans ton cœur. Alors on lui a dit, c'est où ces lieux? Ils se trouvent où exactement? Alors qu'est-ce que Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu il a dit? Abwabul umara. C'est les portes des émirs, les portes des dirigeants, des dignitaires. يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَى الْأَمِيرِ فَيُصَدِّقُهُ بِالْكَذِبِ وَيَقُولُ لَهُ مَا لَيْسَ فِيهِ. L'un d'entre vous va entrer chez un dirigeant, chez un roi, chez un dignitaire, et il va se sentir forcé de mentir et de dire des mensonges et de lui faire des louanges qui en réalité n'existe pas en lui. Voyez-vous, tu vas entrer comme ça, tu vas le trouver comme ça sur son trône, il est assis et plein de soldats, etc. Toi, avant ça, tu t'es dit, je vais aller pour lui dire, ittaqillah, crains Allah. Maintenant, tu arrives comme ça. Toi, mashallah, notre dirigeant, n'est-ce pas, le tel chose, le tel chose. Et ça, ça existe. Wallah, ça, même de nos jours. Et c'est, il y a même des vidéos, sont même sur Internet comme ça. Ce sont des personnes comme ça de science, n'est-ce pas? Ils vont se mettre debout comme ça et l'autre, le roi, il est assis. Il va lui dire des choses que c'est... Il va presque dire, ya Rasulallah, et c'est fini. Non. Non. Le sultan, ils vont pas donner le haq et tout. Non. Est-ce que c'est considéré comme des savants, vu que c'est pas, ils respectent pas l'éthique de la science? Oui, c'est des savants et pas des savants. Ça veut dire que c'est pas les vrais savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça le vrai savant que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais on les appelle quand même des savants, c'est parce qu'ils ont le savoir. C'est pour ça que l'ulama, ils appellent ça ulama usu, n'est-ce pas, les savants qui sont égarés. L'alim al-fadir, comme Soufiane Thawri l'a dit, comme on l'a déjà mentionné, ça veut dire un savant qui est pervers. Ça veut dire, ces savants-là, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, ça se répète. C'est l'histoire qui se répète. C'est les mêmes savants qui ont existé lors des temps. Du temps de après Moussa alayhi salam, n'est-ce pas? Et après Isa alayhi salam, qui ont changé la religion des juifs et après ça la religion des chrétiens. C'est pour ça de nos jours, pourquoi est-ce que les chrétiens de nos jours, ils vous disent, moi je suis un chrétien mais je ne suis pas pratiquant. Et je déteste l'église. C'est quoi son problème avec l'église? C'est quoi son problème avec l'église? C'est que l'église a abusé de son pouvoir. De son statut religieux, voyez-vous, c'est qu'à un certain moment donné, il y a eu tous les clergés, etc., qui ont commencé à faire alliance avec les rois, avec les dirigeants, etc. On se partage l'argent, on va écraser la masse ensemble. Ça veut dire, ça les a poussés à modifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, altérer les textes que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à ses prophètes et à ses messagers. La même chose existe dans la umma du prophète, alayhi salatu wassalam, sauf que les textes seront toujours préservés. C'est ça la différence. Mais le shaitan est toujours là et il va toujours prendre des personnes et il va les égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils étaient au temps de Moussa alayhi salam, au temps de Isa alayhi salam, ou bien qu'ils fassent partie de la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qalu, il a été dit, sharrul umara'i ab'aduhum min al-ulama wa sharrul ulama'i aqrabuhum min al-umara. Ils ont dit, les pires des dirigeants sont ceux qui s'éloignent des savants. Et les pires des savants sont ceux qui se rapprochent des dirigeants. Voyez-vous? C'est clair? Non. Qala Suhnoun. Suhnoun, c'est l'un des grands savants de l'imam Malik, du madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma asmajahu. Il a dit, oh, quelle insulte pour un savant. Oh, quelle insulte. Ma asmajahu bil'alimi an yu'ta ila majlisin fala yujada fihi. فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَيُقَالُ إِنَّهُ عِنْدَ الْأَمِيرِ. Il a dit, oh, quelle insulte pour un savant que quelqu'un arrive à son assemblée, au lieu où habituellement il se retrouve, par exemple, dans sa mosquée. Il va dire, il est où tel cheikh? Il n'est pas ici? Il va lui dire, il est chez le roi, chez tel dirigeant, chez tel dignitaire. Il a dit, ah, quelle grosse insulte pour un tel savant. Ça veut dire, il a fait rabaisser en quelque sorte son autorité et sa place auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, bien sûr, comme l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne, la seule exception, c'est quoi? C'est les dirigeants qui sont pieux, qui sont connus pour leur piété, leur crainte extrême d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur justice, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et les ulama, même du passé, quand ils se trouvaient à être sous la direction d'un dirigeant, en quelque sorte, qui était digne de confiance, qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, qui était pieux, etc., bien au contraire, ils se rendaient vers lui pour lui rappeler le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et l'un des exemples qu'on peut donner pour ça, c'est Umar ibn Abdi Al-Aziz, rahimahullah, le grand calife Umar ibn Abd al-Aziz, qui venait d'une famille qui était extrêmement riche, mais quand il est devenu un calife, n'est-ce pas, il a complètement mis de côté la vie de Al-Hayat al-Dunya. Al-Hayat al-Dunya s'est complètement consacré à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il savait qu'il portait une grande responsabilité. Et c'est pour ça que l'ulama, les savants, ils entraient chez Umar ibn Abd al-Aziz en abondance, l'un après l'autre. Mais ils entraient pour dire quoi? Pour lui parler de la punition de la tombe, de la mort, de telle chose, de telle chose. Voyez-vous, c'est parce que c'est lui qui le demandait. C'est lui qui le demandait. Et les savants, ils savaient qu'ils avaient affaire avec quelqu'un qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, en somme, la connaissance ne devrait jamais être mise sous le contrôle des puissants. C'est parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours la corruption de la umma, n'est-ce pas, se fait avec deux choses. Il y a toujours deux piliers qui assurent la bonté, ça veut dire la guider, ou bien la corruption de la umma du prophète, alayhi salatu wasalam. C'est les dirigeants et les savants. Alors, si les dirigeants, ils sont corrompus, et le plus, en général, c'est eux qui sont corrompus, c'est parce que c'est eux qui ont l'argent, le pouvoir, etc., ils sont plus proches de la dunya, voyez-vous. Donc, ça arrive plus fréquemment qu'eux, ils soient corrompus. Si eux, ils sont corrompus, il nous reste seulement les savants. Mais si les savants, à la place de faire en sorte, n'est-ce pas, de ramener la umma vers le bien, de donner le conseil, d'essayer d'arranger les choses, etc., ils vont se joindre à ces dirigeants et se mettre dans le même cercle, fini. Il ne reste aucun espoir par la suite. Oui. La connaissance. Hein? La connaissance qui est sous le contrôle de deux personnes, savants et dirigeants. Non, c'est en quelque sorte... Je ne dirais pas le sort, c'est l'état de la Ummah. L'état de la Ummah, habituellement, il dépend de ces deux catégories. Les dirigeants et les savants. Voyez-vous, c'est parce que les dirigeants, ils possèdent la force. Ils vont forcer les gens à suivre telle et telle chose. Même si les gens, ils n'aiment pas, ils veulent pratiquer leur religion, les dirigeants peuvent les forcer à ne pas pratiquer leur religion. Et la même chose pour les savants. Ils font confiance à leurs savants. S'ils voient que le savant, lui, son but dans la vie, c'est d'avoir un gros 4x4 comme ça, n'est-ce pas ? Et de toujours comme ça avoir de beaux habits qui brillent de partout, etc. Et toujours ses enfants, etc. Et grosse maison, etc. Et il s'en fout de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lui, il entre et il sort au château, nuit et jour. Les gens vont te dire, c'est quoi ça? C'est ça la religion. C'est ça la religion. Si lui, il le fait, et lui, il connaît le Coran par cœur, alors moi, je vais faire encore pire, voyez-vous? C'est comme ça que les gens vont penser, oui. Oui, cette question-là, on a parlé plusieurs fois de la question d'obéir aux dirigeants, etc. C'est une autre question, on l'a détaillée plusieurs fois et c'est un long sujet. Mais ici, on ne parle pas du fait d'obéir. On parle, même si c'est un dirigeant, n'est-ce pas? On parle, même si c'est un dirigeant qui dirige bien son pays, qui applique la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Mais qui, ce n'est pas quelqu'un qui est modèle. Ça veut dire quelqu'un qui est trop occupé avec de l'argent, avec l'or, etc., etc. Même ce genre de personnes, les savants, ils préféraient se tenir éloignés de ce genre de dirigeants. Oui, mon frère, tu avais une question? Ok, très bien. D'autres questions? Tfadalah. Parce que c'est la prière de Maghrib, on va s'arrêter, Inch'Allah. Le frère, il dit, que doit faire un savant qui se retrouve dans un tel contexte? Ça veut dire, avec des dirigeants comme ça, c'est deux choses. Première chose, normalement, à la règle, le savant, il a l'obligation de passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on va le voir un peu plus tard, voyez-vous, ça fait partie de l'éthique du savoir, ça fait partie de la réalité du savoir. La connaissance, tu la gagnes, elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle te garantit le grand mérite qu'on a mentionné, ça veut dire que tu fais partie des héritiers des prophètes. Les créatures des cieux et de la terre implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, mais ça a un prix. Ça a un prix, ça veut dire que tu dois être capable de sacrifier tout pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire même si tu vas être mis dans le trouble, etc., etc., ça c'est depuis le temps du passé. Même avec les dirigeants, n'est-ce pas, qui n'étaient pas comme les dirigeants aujourd'hui, c'était des dirigeants qui aimaient l'islam, etc., dans le temps, mais tu vas trouver que l'imam Malik, rahimahullah, a été puni par le dirigeant lors de son temps. L'un des rois là, puni, il a ordonné de punir l'imam Malik rahimahullah parce qu'il n'a pas aimé sa fatwa. Imam Ahmed, la même chose, voyez-vous. Imam Ahmed rahimahullah, il y a eu plein de savants comme ça qui ont refusé de se prononcer. Ils vont dire, ah, on a peur. C'est parce que le dirigeant à leur temps, n'est-ce pas, il a ramené une nouvelle innovation comme ça qu'il voulait forcer sur la Ummah. Il voulait que la Ummah devienne au complet comme ça, qu'officiellement toute la Ummah, elle fasse partie des Mu'tazila, de la secte des Mu'tazila, et qu'elles disent que le Coran s'est créé, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, iyad billah. Ça c'est une question de aqida, on ne va pas entrer dans les détails maintenant, on le laisse pour le cours de aqida inshallah, voyez-vous. Mais il y a plein de savants qui sont, dis-moi, je vais garder le silence. Et il n'y a pas de problème, si quelqu'un il a peur pour soi-même, il n'a pas de problème à ce qu'il garde le silence. Mais le problème c'est quoi? C'est quand il parle de fausseté. Ça veut dire, si tu as peur, ne parle pas. Si tu n'as pas le courage, la force de dire la vérité, ne dis pas le faux. Tais-toi et reviens chez toi. Même si tu dois arrêter tes cours, tu n'enseignes plus, reviens chez toi et pas de problème. Voyez-vous? Mais si tu dis le faux, là, tu vas semer la confusion encore plus. Les gens vont te dire, mais regarde, chaque savant, il dit quelque chose de différent. Alors que si tu te tires, les gens vont dire, ah, lui, le pauvre cheikh, Allah, on aimait tellement ses cours à la mosquée, etc. Mais depuis que la police l'a visité, il s'est arrêté de donner des cours. Le pauvre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste. Ça y est, les gens ont compris le message. Voyez-vous? Non. Alors, Imam Ahmed, rahimahullah, il était presque le seul qui a eu le courage de dire la vérité. Il a dit, Al-Qur'an, kalamullahi, ghayru makhluq. Tout le monde attendait. Toute la communauté, ils ont dit, cette grosse polémique que le calife il a sortie sur le Qur'an, makhluq, ghayru makhluq, on n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les savants? Tel savant, il dit rien. L'autre savant, il dit rien. Ah, il y a Imam Ahmed, il paraît qu'il va se prononcer aujourd'hui. Alors tout le monde, il attend la fatwa de l'imam Ahmed. Ce que l'imam Ahmed, il va dire, c'est ça la vérité. Alors il a dit, kalamullahi ghayru makhluq. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas créé. Khalas. Les gens ont compris le message. Mais après ça, Imam Ahmed, rahimahullah, on l'a amené pour qu'il soit torturé en quelque sorte, voyez-vous, avec des coups de fouet. Donc le calife veut le forcer à changer. Donc quand il a vu les coups de fouet, il était un peu réticent comme ça. N'est-ce pas les grands comme ça qui arrivent et qui se préparent à le punir, etc. Là, il y a eu un criminel. Un criminel, mais qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Un criminel, ça veut dire un habitué de fouet, de prison, etc. Il est habitué avec ça, mais quand même, il aime sa religion. Il a dit à Imam Ahmed, Uthbut. Il dit, attention, ne laisse pas tomber. Et n'aie pas peur. Il a dit, tu vas juste ressentir les premiers coups. Après ça, ça va devenir normal. C'est de son expérience. Voyez-vous même, un criminel peut aider à préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est dit, moi je suis un criminel, mais je vais faire comme ça une chose, un seul mot avec lequel je vais aider à préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, dans ce genre de situation, si la personne ne peut pas dire la vérité, qu'elle se taise. Non. Oui. Oui. Oui. Mais maintenant, comment est-ce que c'est ça? Les savants qu'on parle, qu'ils ont été corrompus, comment est-ce qu'ils ont pu être corrompus si la science qu'ils apprenaient était bonne? Pourquoi leur intention n'est pas devenue bonne après? Pourquoi est-ce qu'ils se sont égarés? C'est parce qu'on a dit qu'il y a une différence entre une personne qui a l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, son intention initiale, principale. C'est parce qu'il y a l'intention principale, vois-tu, l'intention pour laquelle tu es entré sur son chemin. Et il y a après ça les intentions qui sont temporaires, ça veut dire dans le moment. Les intentions dans le moment, c'est ça ce qui est difficile à contrôler. Ça veut dire parfois tu vas t'oublier, tu vas dire ah je vais bien parler pour les gens, je vais bien prier pour les gens, etc. etc. Mais l'intention initiale, celui qui ne l'a pas, c'est un munafiq, wal'iyadu billah. Donc lui c'est quelqu'un qui ne cherche pas déjà du point numéro 1, la vie de l'au-delà ne l'intéresse pas. Alors lui, même si tu vas lui ramener tous les hadiths du monde, ça ne va rien changer en lui. C'est parce que ça, il est décidé. Alladhina istahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui préfèrent cette vie du bas monde à la vie de l'au-delà. Vous voyez? Taïb, un dernier point avant qu'on passe, avant qu'on parte pour la prière de al-Maghrib, avec cette question que le frère nous a demandé, nous a en quelque sorte posé, ça m'a rappelé un autre point qui vous est bénéfique à vous. Vous n'êtes pas des savants, on n'est pas tous des savants, n'est-ce pas? Personne d'entre vous n'est un savant. Mais quand on fait la da'wah, quand on appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui ne sommes pas des savants, parfois on va jouer le rôle de savant. Il y a un non-musulman qui va venir te questionner sur l'islam. Parle-moi de l'islam. J'ai des questions sur l'islam. C'est ton collègue au travail. Il y a des questions qui sont sensibles. Il y a des questions qui sont sensibles, on le comprend tous. Et les gens vont te dire, mais comment ça fait que l'islam dit telle et telle et telle chose? Et toi, tu sais que si on va te permettre de parler pendant 20 minutes, tu vas expliquer la logique derrière, ça va être très complet. Mais tu sais très bien, surtout bien sûr si tu es dans un masjid, tu fais une khutbah, un cours, une conférence, quelque chose comme ça, que tu es aux aguets, n'est-ce pas? Si tu dis, si tu commences la première phrase à dire oui, c'est comme ça en islam, mais voilà pourquoi. Khalas, fini. Juste cette parole-là, elle va être prise comme ça. Ça va devenir toute une polémique. Voilà ce que les musulmans, ils disent, et telle personne, lui, croit, il est extrémiste, et telle chose, telle chose. Donc, moi, je vous donne une technique très facile pour ce genre de choses. Si vous êtes dans un kiosque sur la da'wah, etc., un non-musulman vous pose des questions comme ça, vous dites, tu sais quoi, j'aimerais tellement te répondre sur ça, j'ai la réponse à ça, mais pour être très honnête avec toi, je n'ai pas, malheureusement, de nos jours, je n'ai pas la liberté intellectuelle de parler d'une telle question. Alors, je préfère ne pas en parler. C'est parce que je ne suis pas libre, voyez-vous, c'est parce que l'une des conditions de n'importe quel débat, de n'importe quel échange intellectuel et intelligent, c'est que les deux personnes soient libres. Tu dois être libre de t'exprimer et moi je dois être libre de m'exprimer. Alors si quand je commence à parler, au premier mot tu vas me dire de moi, ah tu es telle chose, tu es extrémiste, tu es telle chose, je ne suis pas libre, tu me mets sous la contrainte, tu veux que je te donne une certaine réponse que moi je sais que ce n'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce genre de situation, l'une des réponses à avoir, si vous avez peur de dire une fausse réponse, d'inventer quelque chose comme ça juste pour plaire aux gens qui sont devant vous, dites je m'excuse mais ce n'est pas le genre de question, malheureusement, que le contexte me permet de traiter de nos jours et je préfère ne pas en parler. C'est parce que je n'ai pas la pleine liberté d'en parler. C'est clair? Non. Allez, rapide, rapide. Moi, j'ai fini. On va aller pour Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Imaginez si on est dans une émission en direct. Non. Oui. Non, la même chose, c'est la même chose. Même lors d'une émission en direct, bien au contraire, c'est l'occasion de dire ça, voyez-vous. Une émission en direct, pourquoi est-ce qu'en islam, il y a telle et telle et telle chose, tel verset? Excusez-moi monsieur, j'ai une très belle réponse à expliquer, une très bonne explication pour ça, c'est très logique, etc. Mais pour être honnête avec vous, je sais que je n'ai pas la liberté de l'expliquer. Si je vais commencer à dire les premiers mots, on va déjà porter un jugement sur moi et je préfère ne pas en parler. Khalas, c'est fini. That's it. Tu vois, c'est parce que si tu vas commencer à parler, même si c'est en direct, on ne va pas te couper, etc., on va te couper la parole. On va commencer à dire des trucs sur toi. Ah, c'est ça, on a confirmé, c'est moi. Et l'autre, il va commencer à en quelque sorte, à élever sa voix, etc. Et par la suite, après l'émission, on va quand même prendre ce segment. Ils vont le refaire passer, n'est-ce pas, plusieurs fois, etc. Ça va se retourner contre eux. Toi, alors tu dis, je m'excuse. Et la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Toi, tu as la responsabilité de passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les gens ne te donnent pas cette opportunité de passer une partie de ce message, c'est leur responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.